7 Chaalis. Il est 4 heures du matin. La route plonge dans un pli de terrain, elle remonte. La voiture va passer à Horry, puis à la chapelle. À gauche, il y a une route qui longe le bois d'Alat. C'est par là qu'un soir le frère de Sylvie m'a conduit dans sa carriole à une solennité du pays. C'était, je crois, le soir de la Saint-Barthélemy. À travers les bois, par des routes peu frayées, son petit cheval volait comme au sabbat. Nous rattrapâmes le pavé à Mont-l'Évêque, et quelques minutes plus tard, nous nous arrêtions à la maison du garde, à l'ancienne abbaye de Chaalis. Chaalis a encore un souvenir. Cette vieille retraite des empereurs n'offre plus à l'admiration que les ruines de son cloître, aux arcades byzantines, dont la dernière rangée se découpe encore sur les étangs. Reste oublié des fondations pieuses comprises parmi ces domaines, qu'on appelait autrefois les métairies de Charlemagne. La religion, dans ce pays isolé, du mouvement des routes et des villes, a conservé des traces particulières du long séjour qui ont fait les cardinaux de la maison d'Est à l'époque des Médicis. Ses attributs et ses usages ont encore quelque chose de galant et de poétique, et l'on respire un parfum de la Renaissance sous les arcs des chapelles à fines nervures, décorées par les artistes de l'Italie. Les figures des saints et des anges se profilent en rose sur les voûtes peintes d'un bleu tendre, avec des airs d'allégorie païenne, qui font songer aux sentimentalités de Pétrarque et au mysticisme fabuleux de Francesco Colonna. Nous étions des intrus, le frère de Sylvie et moi, dans la fête particulière qui avait lieu cette nuit-là. Une personne de très illustre naissance, qui possédait alors ce domaine, avait eu l'idée d'inviter quelques familles du pays à une sorte de représentation allégorique où devaient figurer quelques pensionnaires d'un couvent voisin. Ce n'était pas une réminiscence des tragédies de Saint-Cyr. Cela remontait aux premiers essais lyriques importés en France du temps des Valois. Ce que je vis jouer était comme un mystère des anciens temps. Les costumes, composés de longues robes, n'étaient variés que par les couleurs de l'azur, de l'hyacinthe ou de l'aurore. La scène se passait entre les anges, sur les débris du monde détruit. Chaque voix chantait une des splendeurs de ce globe éteint, et l'ange de la mort définissait les causes de sa destruction. Un esprit montait de l'abîme, tenant en main l'épée flamboyante, et convoquait les autres à venir admirer la gloire du Christ, vainqueur des enfers. Cet esprit, c'était Adrienne, transfigurée par son costume, comme elle l'était déjà par sa vocation. Le nimbe de carton doré qui saignait sa tête angélique nous paraissait bien naturellement un cercle de lumière. Sa voix avait gagné en force et en étendue, et les fioritures infinies du chant italien brodaient de leur gazouillement d'oiseaux les phrases sévères d'un récitatif pompeux. En me retraçant ces détails, j'en suis à me demander s'ils sont réels, ou bien si je les ai rêvés. Le frère de Sylvie était un peu gris ce soir-là. Nous nous étions arrêtés quelques instants dans la maison du garde, où ce qui m'a frappé beaucoup, il y avait un signe éployé sur la porte, puis au-dedans de hautes armoires en noyer sculpté, une grande horloge dans sa gaine et des trophées d'arcs et de flèches, d'honneur au-dessus d'une scarte de tire rouge et verte. Un nain bizarre, coiffé d'un bonnet chinois, tenant d'une main une bouteille et de l'autre une bague, semblait inviter les tireurs à viser juste. Ce nain, je le crois bien, était en tôle découpée. Mais l'apparition d'Adrienne est elle aussi vraie que ses détails et que l'existence incontestable de l'abbaye de Chaalis. Pourtant, c'est bien le fils du garde qui nous avait introduit dans la salle où avait lieu la représentation. Nous étions près de la porte, derrière une nombreuse compagnie assise et gravement émue. C'était le jour de la Saint-Barthélemy, singulièrement lié au souvenir des Médicis, dont les armes accolées à celles de la maison d'Est décoraient ces vieilles murailles. Ce souvenir est une obsession, peut-être. Heureusement, voici la voiture qui s'arrête sur la route du Plessis. J'échappe au monde des rêveries, et je n'ai plus qu'un quart d'heure de marche pour gagner l'Oisy par des routes bien peu frayées.